La découverte de l'existence de ceintures de particules chargées autour de la Terre remonte à la fin des années 50, grâce au tout premier satellite envoyé en orbite. Ces régions du proche espace entourant notre planète portent désormais le nom de leur découvreur américain, James Van Allen. On parle des ceintures de Van Allen. Mais si elles sont connues depuis plus de 50 ans, les ceintures de Van Allen, qui nous protègent du rayonnement cosmique en le déviant grâce au champ magnétique qu'elles produisent, recèlent pourtant toujours certains mystères. C'est pour les étudier en détail que deux sondes jumelles sont actuellement en orbite, et c'est grâce à ces sondes, appelées simplement Van Allen 1 et 2, parcourant la ceinture interne à 13 000 km d'altitude, que des structures très curieuses viennent d'être mises en évidence. Une des questions qui reste toujours en suspens concerne la nature des ceintures internes et externes. Oui, car il y en a deux. Hein. On sait que la ceinture interne est peuplée d'électrons se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, et que la ceinture externe comporte surtout des protons, eux aussi énergétiques, mais en moins grand nombre. Et on n'en sait guère plus. Les sondes Van Allen sont toutes les deux munies d'un instrument de mesure appelé RBSpice, pour Radiation Belt Storm Probes Ion Composition Experiment, et qui a pour but d'enregistrer le nombre d'électrons rencontrés en fonction de leur énergie et de leur distance radiale de la Terre. La découverte qu'ont faite Andrei Ukorski et ses collègues de l'université Johns Hopkins fait l'objet d'un article dans la revue Nature de cette semaine. Ils observent, lorsqu'ils tracent les graphes de l'intensité des électrons en fonction de leur distance et de leur énergie, que des structures en forme de rayures apparaissent. Alors qu'on pensait auparavant que de telles variations régulières et très structurées ne pouvaient être dues qu'à des variations locales induites par des orages magnétiques, dues aux éruptions solaires, les auteurs observent toujours ce type de distribution quand l'intensité du vent solaire est très faible, et elles sont même plus développées par temps calme. Le développement d'une modélisation complète des phénomènes a alors permis aux physiciens de démontrer que les formes observées sont produites par la rotation de la Terre. Les électrons de la ceinture de Van Allen sont confinés par le champ magnétique terrestre qui agit comme un dipôle magnétique, où ils subissent une lente dérive longitudinale autour de la planète du fait du gradient et de la courbure du champ magnétique. Et la rotation de la Terre induit des variations diurnes globales de ces champs magnétiques et électriques qui interagissent en résonance avec les électrons, dont la période de dérive est justement très proche de 24 heures. Il s'ensuit une modification des flux d'électrons sur une large plage d'énergie en formant un motif régulier composé de plusieurs bandes et rayures sur la totalité de la ceinture interne. Ces nouvelles données vont permettre aux planétologues d'affiner grandement leur concept de dynamique des ceintures de radiation. Ces résultats vont également mettre en lumière la nature de la dynamique des ceintures d'autres planètes, comme Jupiter, Neptune et Uranus, car ces planètes possèdent toute une période de rotation très courte et un écart important entre leur axe de rotation et leur axe dipolaire magnétique, à l'inverse de Saturne. Un article qu'on retrouve dans Nature, numéro 507 de cette semaine, signé Ukorski et al., dont le titre est « Rotationally Driven Zebra Stripes in Earth's Inner Radiation Belt ».